Les membres du groupe de félicitations des Coréens résidant au Japon pour la Journée du Soleil ont adressé le 24 avril une lettre au dirigeant suprême Kim Jong-un. En voici le résumé. Les cérémonies consacrées au 105e anniversaire de naissance du président ont été un grand festival politique national ayant manifesté de nouveau la foi et la volonté du peuple de la patrie de continuer et d'achever jusqu'au bout l'œuvre du leader, œuvre du soleil, et la capacité militaire invincible et le potentiel économique de notre République. Les défilés militaires et civils d'envergure, admirés du monde, constituent un événement historique qui a montré aux impérialistes que l'avertissement de la Corée de Sungun n'est pas une parole vide de sens et qu'aucun dans le monde ne peut rivaliser la puissance Paektusan, détenteur nucléaire et puissance militaire. Grâce au dirigeant suprême Kim Jong-un, l'histoire du Grand Soleil s'éternise et la victoire et la gloire sont toujours promises au mouvement original des Coréens au Japon, créé et conduit par les généralissimes Kim Il-sung et Kim Jong-il. C'est la foi immuable gardée au très fond de nos cœurs au cours de notre visite dans la patrie.